Ouais, bah si tu veux, j'ai écrit cette chanson parce que, en réalité, personne n'ose faire des musiques sur les handicapés. Pourquoi? Moi si. C'est l'histoire d'un mec handicapé, perdu l'usage de ses jambes dans un accident de bago. Et que depuis le drame, il peut encore rouler, puisqu'il se retrouve maintenant dans un chariot. Il a trouvé un travail d'ingénieur alors qu'il n'était pas diplômé. Son employeur était mort de peur à l'idée de se prendre un procès. Oui, la vie est belle en mode chariot. Tout le monde te respecte en mode chariot. Quand il te voit, les gens baissent la tête en mode chariot. Oui, vraiment, la vie est belle en mode chariot. Mais tu vas me dire que les mecs en fauteuil roulant se rendent mieux compte de la mentalité des gens. Mais vu qu'ils ne se révoltent jamais, ils ne gagnent pas en crédibilité. Imagine un rebeu ou un quebla avec trois plaquettes de shit dans la poche de son futal. Mais vu qu'il est handicapé, jamais il ne se fera contrôler. Oui, la vie est belle en mode chariot. Tout le monde te respecte en mode chariot. Quand il te voit, les gens baissent la tête en mode chariot. Oui, vraiment, la vie est belle en mode chariot. Aïe aïe aïe, handicapé là. Mais ta gueule toi, t'es con. Non mais t'as rien dans le crâne. C'est bon, t'sais le gars. Tu crois qu'il a choisi d'être handicapé? C'est pas de sa faute. Arrête, ça se fait pas ce que tu fais, ça se fait pas. Ils n'ont pas à prendre le chariot quand ils se rendent au géant casino. Ils ont des chiottes de 50 mètres de large pour qu'ils puissent faire caca sur le carrelage. Faut pas abuser sur les handicapés, ils sont pas tous aussi défavorisés. Mais leur vie doit-elle se limiter aux places qui leur sont réservées? Oui, la vie est belle en mode chariot. Tout le monde te respecte en mode chariot. Quand il te voit, les gens baissent la tête en mode chariot. Oui, vraiment, la vie est belle en mode chariot. Oui, la vie est belle en mode chariot.